Maintenant, je voudrais que vous vous imaginiez faisant des longueurs dans une piscine. Une longueur suivie d'une autre longueur, et ainsi de suite. C'est une action qui se répète. Eh bien, le temps qu'on emploie pour parler des longueurs qu'on faisait dans la piscine, donc de ce qu'on faisait de manière répétée dans le passé, c'est ce qui s'appelle l'imparfait. Par exemple, quand on dit « j'allais souvent au restaurant », « je le faisais tous les jours », etc., c'est une action qui se répète dans le passé. Voyons ce temps des longueurs de plus près. Pour la forme qui correspond à « je », c'est assez simple. Les verbes en « are » ont une terminaison en « avo ». Les verbes en « ere » ont une terminaison en « evo ». Et les verbes en « ire » ont une terminaison en « ivo ». Donc, comment diriez-vous « je pouvais » qui est le verbe « potere » au temps des longueurs? Potevo. Potevo. Et si « je pouvais » se dit « potevo », comment dit-on « il pouvait » ? Poteva. Poteva. Comment diriez-vous maintenant en utilisant « ieri » ? I-E-R-I pour « hier ». Je ne pouvais pas vous appeler hier. Non potevo chiamarlo ieri. Ça, c'est « je ne pouvais pas l'appeler hier » et non pas « vous appeler » comme je vous avais demandé. Non potevo chiamarla. Oui. Ieri. Non potevo chiamarla ieri. Oui, c'est ça. Vous allez me dire maintenant, je ne pouvais pas vous aider. Non potevo aiutarla. Non potevo aiutarla. Bien. Non potevo, l'imparfait de pouvoir. Non potevo aiutarla. Maintenant, dites-moi, je ne pouvais pas le faire hier. Non potevo farlo ieri. Non potevo farlo ieri. Oui, mais je pourrais le faire maintenant. Ma potrei farlo ora. Voilà, ma potrei farlo ora. Comment diriez-vous je devais? Non, pour commencer, nous allons dire je devrais, futur. Devrò. Le verbe à l'infinitif, c'est dovere, pas devere. Oui, dovrò. Dovrò, voilà. Et maintenant, dites je devrais l'acheter, toujours au futur. Dovrò comprarlo. Dovrò comprarlo. Bien. Maintenant, essayez de trouver comment on dit « je devais ». Dov... Oui, oui, allez-y. Vous avez bien commencé. Dove... Non, je trouve pas. Bon. Eh bien, comment dites-vous « je pouvais » par exemple ? Potevo. Potevo, exact. Donc, pour la forme qui correspond à « je », on a au temps des longueurs les terminaisons « avo », « evo » ou « ivo », toujours avec un « v ». Et donc, « je devais » donne « dovevo ». Oui, « dovevo », « je devais », comme dans « je devais le faire hier », qui se dit Dovevo farlo ieri. Dovevo farlo ieri. Et il devait attendre. Comment dites-vous cela? Aspetta. Il devait attendre. Ah. Dovevo aspettare. Il devait attendre. Doveva aspettare. Attention à l'accentuation. Doveva aspettare. Doveva aspettare. Il devait attendre. Encore une fois, comment dites-vous « je devais le faire » ? Dovevo farlo. Dovevo farlo. Et il devait le faire. Doveva farlo. Doveva farlo. Bien. Comment diriez-vous je voulais le faire? Volevo far... Pardon? Volevo... Voulievo... Non, la terminaison du ton des longueurs, c'est evo, pas ievo. Ah, volevo. Oui, volevo. Volevo le faire. Volevo farlo. Volevo farlo. Dites-moi maintenant... je ne voulais pas l'acheter. Non volevo comprarlo. Non volevo comprarlo. C'est ça. Comment diriez-vous? Je ne voulais pas lui dire pourquoi. Non volevo dirla... non. Dirle. Oui, dirle est correct si lui dire signifie dire à elle. Mais si lui dire équivaut à dire à lui, c'est-à-dire à un homme, non volevo dire. Dire. Lui, à lui. Li, G-L-I. Ah oui, dirli. Alors, je ne voulais pas lui dire pourquoi. Non volevo dirli. Dirli. Non volevo dirli perché. Non volevo dirgli perché. Et maintenant, traduisez « je ne voulais pas vous dire pourquoi ». Non voglio. Ça, c'est le présent. Je ne veux pas. Je ne voulais pas. Ah, pardon. Je ne voulais pas. Non volevo. Non volevo vous dire pourquoi. Non volevo dirle. Dirle. Dirle. C'est ça. Non volevo dirle perché. Bien. Non volevo dirle perché. Maintenant, comment diriez-vous j'avais? Avevo. Bien. Avevo. Avevo. Donc, si vous vouliez dire je n'avais pas le temps de le faire, vous diriez je n'avais pas le temps. Non avevo tempo. De le faire. Di farlo. Bien. Non avevo tempo ou non avevo il tempo, le temps, di farlo, de le faire.